Marcus, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Ce sont ces questions auxquelles tâche de répondre une discipline relativement récente, la phylodynamie. Comme la phylogénétique, cette discipline s'intéresse à l'évolution virale à partir de l'analyse des variations de son matériel génomique et de ses évolutions dans le temps. Et en affaire, la circulation, le comportement, la transmission et même les origines. Où et quand est apparu le SARS-CoV-2? Comment s'est-il transmis de l'animal à l'homme, puis de l'homme à l'homme? Comment évolue-t-il? Est-il en train de muter? Et si oui, à quelle vitesse? Combien de fois a-t-il été introduit sur un territoire donné? Autant de questions auxquelles la phylodynamie apporte son lot de réponses. Phylodynamie, le virus à la trace, c'est le programme suivi qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et oui, deuxième semaine de retour en direct à l'antenne pour comprendre ce qu'est exactement donc cette discipline et les disciplines afférentes, en quoi elles se distinguent notamment de la phylogénétique, comment se traque un virus émergent à travers ce jeu de pistes génomiques. Nous avons le plaisir de recevoir à distance, comme toujours, nos invités d'aujourd'hui. Samuel Alizon, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste de l'évolution, directeur CNRS affecté au laboratoire maladies infectieuses et vecteurs, écologie génétique, évolution et contrôle à Montpellier. Et Hélène Morlon, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicienne, directrice de recherche CNRS, responsable de l'équipe de recherche modélisation de la biodiversité à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure de Paris. Pour cette deuxième semaine de reprise, toujours pas de journal des sciences pour le moment. On fonctionne évidemment en équipe réduite, mais on va commencer directement par rentrer dans notre sujet du jour, par notre archive quotidienne. Je vous le disais, la phylodynamie est une discipline récente, on va en reparler dans un instant. Néanmoins, penser l'évolution virale, notamment par rapport notamment à la couverture vaccinale, c'est des choses que l'on fait depuis un certain temps. Un indice tout de suite, dès 1969, écoutez Robert Debré, nous sommes dans l'heure de la culture française. Alors, si la grippe apparaît dans un coin de la Terre, comme c'est arrivé, la grippe commençant en Chine par exemple et passant dans le reste du monde après, si la grippe apparaît dans un endroit de la Terre, il y a un intérêt majeur à isoler le virus, voir son groupe, son type, et fabriquer un vaccin. La difficulté théorique n'est pas grande. On peut vite isoler le virus, vite l'identifier et assez rapidement le transformer en vaccin. La difficulté est dans la lutte entre la vitesse avec laquelle on fabriquerait des doses suffisantes du nouveau vaccin et la vitesse de propagation de la maladie. Et ça sera une sorte de lutte, de course de vitesse dont nous ne connaissons pas le vainqueur. Si il y a, comme ça arrive quelquefois, une recrudescence de grippe en Chine et qu'on ait du temps avant de voir apparaître cette grippe, mettons en Europe ou en Amérique du Sud, on aura le temps de faire des vaccins et si la maladie apparaît dans une de ces régions, vite de vacciner autour du malade et ainsi de circonscrire l'épidémie. Si par contre le feu brûle très vite, la maladie risque d'aller plus vite que nous. Voilà, nous sommes en 1969, vous venez d'entendre la voix de Robert Debré dans l'heure de la culture française. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, c'est intéressant parce qu'on ne parle évidemment pas de phylodynamie, mais tout de même d'évolution dynamique d'un virus et de la façon dont on peut courir finalement un peu après le temps et après l'espace pour pouvoir le circonscrire grâce à la vaccination. Samuel Alizon. Et oui, c'est intéressant parce que c'est un peu le Graal, en fait, dans le cadre de la grippe en particulier. La grippe, une des raisons pour lesquelles elle revient tous les ans, c'est parce qu'elle évolue. Et le Graal, c'est un petit peu d'arriver à prédire à quoi va ressembler la grippe l'année prochaine. Et c'est même un des travaux qui a été mis en place par Trevor Bedford qui s'appelle Next Flu, la prochaine grippe, qui vise comme ça à partir de signaux précoces, en appui sur les phylogénies, à essayer de prévoir quel sera le prochain variant. Hélène Morlot, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Oui, donc moi ce que cela m'évoque, c'est que effectivement on a toujours finalement les mêmes questions, sauf qu'aujourd'hui on a des outils beaucoup plus puissants pour y répondre, et notamment des outils tels que la phylodynamique. Alors justement, bien on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Qu'est-ce que c'est exactement que alors est-ce que c'est phylodynamique? De quoi s'agit-il exactement, et en quoi c'est différent de la phylogénétique? On peut peut-être prendre le temps d'ailleurs aussi de redéfinir ce que c'est que la phylogénétique. Hélène Morlon. Alors, la phylogénétique, à l'origine, donc, c'est l'étude des descendances entre espèces qui se faisait au départ avec des caractères morphologiques et qui maintenant se fait à partir de séquences d'ADN. Donc, on reconstruit aujourd'hui les phylogénies qu'on appelle les phylogénies moléculaires à partir des séquences, et c'est de là qu'on voit automatiquement le parallèle avec les phylogénies de virus, les phylogénies viraux. Mais donc, c'est une discipline qui s'intéresse à l'évolution du vivant, à l'évolution de l'ensemble des espèces, mammifères, oiseaux, tout l'ensemble du vivant, qui a des échelles de temps, on va dire, beaucoup plus longues, de l'ordre d'une million d'années, que les échelles de temps de la phylodynamique, qui, elles, sont beaucoup plus récentes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on aboutit dans un cas comme dans l'autre à ces arbres qu'on a tous en tête, hein, qui sont des arbres d'évolution avec, des branches communes qui se séparent et qui donnent in fine, qui aboutissent à un certain nombre d'espèces avec des branches qui s'éteignent, des branches qui continuent, des branches qui se diversifient. Samuel Alizon, la différence principale, c'est que dans phylodynamique, il y a une question peut-être de vitesse, de vecteur temps qui est un peu plus important que dans la phylogénétique. Oui, effectivement, c'est vrai que sur la phylogénétique, comme l'a dit Hélène Morlon, quand on va étudier les mammifères, par exemple, faire une phylogénie où chacune des feuilles de la phylogénie sera une espèce de mammifère présente aujourd'hui, on voit que si un mammifère a été analysé une année avant l'autre, ça n'aura pas grand effet. Ils seront tous à peu près à la même distance de la racine de cet arbre, comme on l'appelle, qui est l'endroit où toutes les feuilles convergent. En revanche, si vous prenez des virus qui évoluent rapidement, c'est une autre histoire. Et en fait, vous pouvez vous retrouver comme ça avec certaines feuilles qui sont très proches de la racine, alors que d'autres en sont beaucoup plus loin. Et ça va créer un ancrage temporel, comme on dit. Et donc, on peut avoir accès à des paramètres qui sont clairement dynamiques. Donc essayer de comprendre finalement. Une phylogénie, c'est toujours capturer des relations entre une population d'individus. Ces individus, c'est ce qui va correspondre aux feuilles. Alors ça peut être des espèces, mais ça peut aussi être des infections, par exemple. Ça peut être une personne, un individu infecté par un virus. Et donc la phylodynamique, c'est envisager, essayer d'avoir accès aux paramètres de la dynamique des populations d'individus, que ces individus soient des virus, des animaux ou autres. Quand je disais à l'instant que c'était une discipline assez récente, je crois, et je parle sous votre contrôle, que le mot phylodynamique apparaît pour la première fois dans la revue Science en 2004, Samuel Alizon. Oui, c'est exactement ça. J'aimerais même dire 2003, je crois. Ah. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez peu clairement défini, en fait. C'est un champ, je dirais, tellement jeune que sa définition est elle-même assez floue. Dans l'article de 2004, effectivement, ils décrivent ça comme un mélange entre différentes disciplines que sont l'immunologie, l'épidémiologie, la biologie de l'évolution, et la phylodynamie parachèverait cette synthèse entre différents champs. Donc c'est tel que ça a été proposé en 2003. Il n'y a même pas directement la notion de phylogénie. Depuis, ça a un petit peu évolué justement pour vraiment se focaliser sur ces paramètres liés à la dynamique des populations, qui finalement est l'épidémiologie dans le cadre des infections. C'est ça, Hélène Morlon. Il faut bien comprendre que ce qu'on regroupe sous le terme de phylodynamie ou phylodynamique, c'est vraiment une discipline extrêmement transversale qui emprunte à l'analyse, ce que vient de dire Samuel Alizon, à l'analyse génomique, à l'évolutionnisme, à l'épidémiologie, à la virologie aussi certainement. Oui, tout à fait. Et du coup, si on dit que la phylodynamique est récente, mais par contre, le corpus théorique qui permet de faire la phylodynamique, lui, est beaucoup plus ancien. Et même quand on parle d'étudier les phylogénies d'espèces, le type de modèle qu'on applique à ces phylogénies sont à peu près les mêmes et ont été développés dès les années 90 et sur un corpus mathématique qui, lui, est encore plus ancien, le corpus du coalescent de Kendall, des modèles de naissance mort, des processus de diffusion qui sont appliqués dans beaucoup d'autres domaines également et qui, eux, sont des corpus beaucoup plus anciens. On va reparler de ces modèles, hein, c'est très intéressant. Peut-être un mot tout de même, puisque c'est plus votre domaine, Hélène Morlon. Néanmoins, la phylogénétique avait déjà vécu une sorte de révolution technique au moment où l'analyse ADN a commencé à bouleverser le classement, la phylogénie des espèces, qui était, comme vous le disiez tout à l'heure, d'abord un classement normalement sur critères morphologiques. Oui, bien sûr. Donc, ça a permis de revisiter certaines résolutions entre groupes et aussi de voir qu'on avait tendance à regrouper souvent beaucoup d'espèces car elles se ressemblaient morphologiquement, alors qu'en fait, par l'outil moléculaire, on peut voir qu'elles représentaient énormément d'espèces qu'on appelle cryptiques, donc qui se ressemblent, mais qui sont bien différenciées d'un point de vue génétique. Sur la phylodynamie, donc de 2004 pour la terminologie dans la revue Science et des travaux qui ont déjà été des travaux relativement importants sur certains pathogènes. Samuel Alizon, on s'est servi de ces outils transversaux pour travailler sur Zika, sur Ebola notamment, des travaux aussi très importants sur la phylodynamie du VIH. Oui, c'est vrai que le VIH notamment, il y a eu un peu un alignement en fait de conjonction entre l'émergence du VIH, qui circulait déjà depuis un moment, mais vraiment la réalisation de l'épidémie à la fin des années 80, avec les progrès technologiques de séquençage, et aussi ne pas l'oublier, les progrès au niveau computationnel, parce qu'en fait c'est une des choses qui est assez belle à propos de la phylogénétique en général, c'est qu'en fait on a eu les outils mathématiques et statistiques à disposition avant vraiment de pouvoir les employer, avant d'avoir les puissances de calcul pour estimer ces phylogénies. Et donc quand le VIH a émergé, c'est vrai que tout était un peu à disposition, et finalement le VIH, c'est là qu'on a fait quasiment les premières phylogénies de microbiennes. Il y avait déjà eu quelques phylogénies sur des symbiontes bactérien, mais le VIH, c'est vraiment là que la phylodynamique va prendre son essor, avec une étude assez connue qui a été celle autour d'une patientèle, je crois, le terme existe, d'un dentiste en Floride, où ils ont retrouvé plusieurs personnes qui pensaient avoir été infectées en lien avec ce dentiste, et là c'est là où ça a beaucoup popularisé aussi l'analyse phylogénétique, pour voir ces liens entre les infections, finalement. C'est aussi la phylodynamique qui a permis, et on l'a appris il y a assez peu de temps, d'innocenter le fameux patient zéro qu'on supposait être la personne qui avait introduit le VIH en Amérique du Nord, Gaëtan Duga, dont on s'est rendu compte que le virus circulait déjà très largement à New York et sur la côte ouest des États-Unis depuis bien avant que Gaëtan Duga ne soit là et puisse être ce fameux patient zéro. Ça a un peu cassé ce fantasme du patient zéro en règle générale aussi, non, Samuel Alizon? Oui, il y a toujours un danger avec le patient zéro, ne serait-ce que pour des raisons de discrimination évidente. Mais c'est vrai que les collègues, en fait, ça a été une situation assez unique pour beaucoup de collègues biologistes de l'évolution, parce qu'ils ont été appelés à témoigner dans des procès devant des jurys sans avoir vraiment de formation là-dessus. Et au final, le consensus qui s'est dégagé, c'est que finalement, la phylogénétique peut être utilisée pour innocenter quelqu'un, c'est-à-dire l'infection, les virus qu'on voit chez cette personne porteuse sont trop différents des virus présents chez cette autre personne porteuse. Donc clairement, cette personne ne peut pas être l'infectante, mais ils se sont refusés finalement à donner des conclusions qui puissent au contraire prouver la culpabilité de quelqu'un, parce que vous êtes jamais sûr dans une infection qu'il n'y a pas un autre intermédiaire. C'est-à-dire si les virus portés par une personne A ressemblent beaucoup aux virus portés par une personne B, vous n'êtes pas sûr que A n'a pas infecté C qui ensuite a infecté B très rapidement. Donc le consensus qui s'est dégagé, ça a plutôt été d'utiliser la phylodynamique ou la phylogénétique pour innocenter, pour prouver qu'il n'y a pas eu transmission, mais pas pour incriminer. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc de phylogénétique et de phylodynamique en compagnie de Samuel Alizon et d'Hélène Morlon. On va revenir exactement, puisque maintenant on voit un peu comment est apparu et ce que recoupe cette nouvelle discipline transversale. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on travaille exactement, Samuel Alizon, en phylodynamique? Sur quelle base? Qu'est-ce qu'on étudie? Racontez-nous un peu comment ça se passe. Alors, c'est très interdisciplinaire, en fait, parce que en phylodynamique, donc l'idée, classiquement, ça va être de travailler sur des infections virales. Donc, vous avez toute une partie vraiment en amont, qui est toute la partie clinique, qui se fait en lien avec les patients, qui consiste à récupérer les échantillons. Et ensuite, une partie biologique au laboratoire, parce que le génome du virus ne sort pas comme ça de l'échantillon. Donc, vous avez toute une partie qui consiste à extraire le matériel génétique du virus ou de la bactérie, une partie qui consiste à le séquencer, l'amplifier, le séquencer. Là encore, on a vu des révolutions sur lesquelles on pourra peut-être revenir récemment. Et ensuite, une fois qu'on a pu séquencer ce matériel génétique, on n'a même pas encore rendu, parce qu'il y a plusieurs types d'analyses bioinformatiques pour nettoyer, vérifier qu'il n'y a pas trop d'erreurs dans les séquences obtenues, les aligner. Et enfin, finalement, les analyser avec des algorithmes et des outils statistiques qui ont été un peu décrits par Hélène Morlon. Donc, c'est vraiment toute une chaîne, en fait, éminemment multidisciplinaire. Hélène Morlon, donc, c'est donc du séquençage du séquençage de matériel génétique. Alors, en l'occurrence, quand on reparlera tout à l'heure du COV2, c'est de l'ARN, mais ça peut être du séquençage d'ADN. Et puis, on va prendre différentes souches, on va commencer à les comparer et on va voir, en fait, vraiment établir un arbre à partir des mutations que l'on peut constater entre les différents isolats, puisque je crois que souche, c'est peut-être un terme un peu trop fort. En tout cas, les différents isolats du virus, c'est ça? Du virus ou du pathogène? Oui, alors il vaut mieux demander à Samuel si on veut parler de virus, hein, mais pour ce qui est de reconstruire une phylogénie d'espèces, donc on va effectivement récupérer les séquences d'ADN nucléotidiques ou de protéines des espèces en question. On a aussi une approche très interdisciplinaire où on va avoir besoin d'avoir une grosse collecte de données aussi écologiques sur les espèces, leurs traits phénotypiques qui vont représenter la façon dont ils interagissent avec leur environnement et les autres espèces. Et ensuite, pour reconstruire la phylogénie, donc là on a des phylogénies d'espèces, on a besoin de faire des hypothèses sur d'où elle vient, et c'est là qu'on commence à mettre des modèles, donc des modèles de naissance mort qui vont représenter les phénomènes de spéciation, d'extinction, et qui vont nous permettre de reconstruire cette phylogénie d'espèces. Parce qu'on peut dire, effectivement, j'en parlais d'ailleurs ce matin dans la chronique radiographie du coronavirus, quand on parle effectivement du patient zéro, l'un des pièges du patient zéro, c'est qu'on a tendance à oublier que dans l'évolution naturelle d'un pathogène et en l'occurrence d'un virus, toute personne contaminée ne va pas donner lieu à une flambée épidémique. Il y a parfois des bras, et surtout au début d'une épidémie, qui peuvent s'éteindre naturellement par chance ou par manque de prise sur les hôtes alentours, Samuel Alizon. Oui, non. La notion de patient zéro est effectivement très dangereuse, parce que vous pouvez avoir des introductions qui ne vont pas engendrer l'épidémie, et vous pouvez aussi avoir des introductions multiples. Et ça, on le voit, en fait, ça a été extrêmement bien étudié sur le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, où on sait qu'on a eu plusieurs introductions. D'ailleurs, vous avez en fait toute une diversité de VIH. Il n'y a pas juste un VIH, il y a le VIH1, le VIH2, avec le VIH2 qui vient plutôt des mangabais, alors que le VIH1, lui, vient des chimpanzés et des gorilles. Donc voilà, plusieurs introductions depuis des autres réservoirs, comme on dit, différents. Donc c'est pour ça vraiment que cette notion de patient zéro, à tout point de vue, est vraiment dangereuse, entre autres parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des événements de recombinaison. C'est quand des êtres vivants échangent du matériel génétique, ce que peuvent faire de nombreux virus. Donc voilà, il faut la phylogénie fait une hypothèse, fait plusieurs hypothèses simplificatrices, on pourra y revenir, mais l'une d'entre elles est généralement d'essayer de négliger ce qu'on appelle les transferts horizontaux et de voir l'évolution comme une évolution clonale. Parfois, cette hypothèse va être violée du fait de ces échanges horizontaux. Et alors, justement, une fois qu'on a repéré, on va parler, hein, je précise pour les auditeurs, on parle de manière un peu générale, et puis tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, on va vraiment essayer d'appliquer ce qu'on vient de décrire là, à un cas particulier qui est celui du COV2. Mais une fois qu'on a identifié donc ces différentes mutations, puisque c'est cela qu'on cherche, on peut faire des phylogénies d'agrippe, par exemple, qui sont d'ailleurs, on le verra, très différentes du COV2. Une fois qu'on a ces différentes mutations, qu'est-ce qu'on peut en inférer? Comment est-ce qu'on peut, par exemple, remonter dans le temps ou dans l'espace, quels sont justement le moment où on va commencer à appliquer des modèles qui nous permettent de comprendre la structure d'une épidémie. Qui veut répondre? Hélène Morlon là-dessus? Oui, moi je peux répondre avec l'analogie donc qui est pour nous de chercher, on cherche pas le patient zéro, mais on cherche l'ancêtre commun et où se situait l'ancêtre commun. Donc c'est un peu ça l'analogie. Donc on fait de la reconstruction ancestrale et reconstruction biographique qui permet justement d'identifier l'ancêtre commun où est-ce qu'il était sur Terre, où est-ce qu'il est apparu. Donc effectivement là, à partir de là, ben on a besoin de modèles. On a nos phylogénies avec les espèces actuelles et leur localisation au présent. Et on va mettre des modèles de chaînes de Markov qui ont des taux de transition entre différentes zones biogéographiques. Alors, des chaînes de Markov, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est. chaînes de Markov, donc ce sont des chaînes des processus stochastiques qui se baladent dans des états discrets. Donc là, je parlais de zones biogéographiques, par exemple le paléoarctique, d'autres zones biogéographiques. Et qui vont d'un état à l'autre avec certaines transitions. Donc on va pouvoir reconstruire à partir de ces chaînes des probabilités d'être dans un état ou dans un autre état qui nous permettent en fait de remonter dans le passé à partir du moment où on a des données soit actuelles, soit quelques données fossiles où on a des localisations spécifiques. Mmh. Et bien sûr une phylogénie. C'est par ce type de modèle-là qu'on peut, à partir du moment où on a une carte du présent, en inférer finalement, remonter effectivement le temps pour en se basant sur une forme d'horloge moléculaire. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on arrive finalement à partir du présent à remonter le fil des mutations et à comprendre comment s'est organisé justement la spéciation, l'isolation de certaines branches, etc. Samuel Alizon. Alors peut-être pour juste, je vous ai utilisé le concept d'horloge moléculaire. Effectivement, c'est un des deux concepts clés avec celui de parcimonie. En fait, intuitivement, cette phylogénétique, l'idée c'est de faire des liens entre des individus, que ce soit des espèces, enfin le terme individu pris au sens large. Mmh. Et finalement, l'idée c'est de dire que plus des individus ont un génome similaire, plus la séquence nucléotidique ou protéique que vous analysez est similaire, plus ces individus sont proches, moins ils ont divergé il y a longtemps. Au point où si deux individus ont une séquence absolument identique, mettons pour deux virus, ils pourraient provenir de la même personne infectée. À l'inverse, si deux virus ou deux individus sont très différents génétiquement, l'idée, ça devait être de dire qu'il faut remonter plus loin dans le temps pour retrouver cet ancêtre commun. Et donc, quand on a une multiplicité d'individus, on va pouvoir utiliser ce principe de parcimonie. Bon, après, on a des méthodes plus élégantes avec des calculs de vraisemblance, mais on va pouvoir comme ça, de proche en proche, placer les individus, calculer des distances finalement entre des individus, entre leur matériel génétique. Et l'horloge moléculaire arrive dans un second temps. L'idée de l'horloge moléculaire, c'est de dire que les mutations s'accumulent dans les génomes à une vitesse donnée. Et du coup, en fait, par une sorte de règle de 3, si vous savez à quelle vitesse s'accumulent les mutations, vous pouvez compter par combien de mutations diffèrent deux séquences et vous pouvez avoir une idée du temps qu'il a fallu pour qu'elles divergent. Mais alors, là peut-être qu'il faut préciser quelque chose, parce qu'effectivement, on a parlé à plusieurs reprises de la question de la mutation des virus. On sait qu'il y a des virus qui mutent beaucoup plus vite que d'autres. On sait que la grippe, par exemple, mute particulièrement vite, d'où le besoin de se revacciner, ce que vous expliquiez tout à l'heure, de faire cette carte et d'essayer d'anticiper quelle va être la souche qui va sortir d'une année sur l'autre. Mais mine de rien, un virus, à chaque fois qu'il se réplique, il va faire des petites erreurs, si on a bien compris tout, surtout les virus à ARN qui, a priori, auraient moins de systèmes de réparation que les machines moléculaires à ADN. Pourquoi est-ce que certaines mutations restent et pas d'autres, en fait? Quelle est la différence qu'il peut y avoir entre la mutation et la substitution, en fait? Oui, alors effectivement, c'est un point technique très important, qui est que tous les êtres vivants, en fait, quand ils se reproduisent, font des erreurs, des mutations. Ça, c'est vrai des virus, mais c'est vrai aussi de l'homme, des plantes. Et ces mutations, la grande partie vont être délétères, voire neutres. Et du coup, vous vous doutez que si une mutation fait qu'un organisme n'est pas viable, bah, vous n'allez pas la voir beaucoup dans la nature. À l'inverse, une mutation qui est neutre ou qui est encore plus, qui vous confère un avantage sélectif, là, vous allez plus les voir. Et donc, on fait la distinction généralement entre un taux de mutation, qui est vraiment le taux auquel les erreurs s'accumulent, et le taux de substitution, qui est là le taux auquel ces mutations vont pouvoir se fixer dans les populations. Et du coup, comme nous, on n'a pas accès par définition à ce qui est délétère et ce qui n'est pas transmis au niveau des mutations, on travaille généralement avec des taux de substitution. Alors, ça, c'était pour faire le distinguo, parce qu'il me semble effectivement qu'il est important. On a parlé de la façon qu'on a, et vous venez de l'évoquer, de remonter dans le temps, justement, grâce à ces deux systèmes que vous évoquiez, et peut-être aussi de comprendre que, même de façon relativement logique, si on prend justement la diffusion d'un agent pathogène, quand on remonte dans le temps, on peut aussi comparer finalement les différentes versions sur un territoire donné. Ça permet aussi de remonter dans l'espace d'une certaine manière, Hélène Morlon. Oui, de la même façon. Donc c'est de la même façon qu'à partir des molécules d'ADN d'aujourd'hui, on peut remonter, reconstruire dans le passé peut-être le génome ancien ou le génome ancestral. À partir des répartitions géographiques actuelles, on peut reconstruire les répartitions géographiques probables ancestrales. Donc, tout ça, bien sûr, c'est un calcul de probabilité. Donc il n'y a rien de ce sont des lois de probabilité, rien de déterminer tout là-dedans, mais on peut faire des inférences. Et alors, une fois qu'on a établi cela, c'est-à-dire une fois qu'on a cet arbre phylodynamique avec donc les feuilles au bout qui sont les feuilles qui terminent chaque branche, hein, qui sont donc du coup eh bien les génomes que l'on a retrouvés ou le matériel génétique que l'on a retrouvé, que l'on a séquencé, et donc on a les différentes branches et les différents troncs. Qu'est-ce qu'on peut inférer finalement de cet arbre-là, et à quel moment justement on peut commencer à faire tourner des modèles qui vont nous renseigner eh bien sur beaucoup de choses, sur la nature du virus, j'imagine, sur sa réplication, sur sa contagiosité, Hélène Morlon. Alors donc ce qu'on peut inférer, c'est le fameux R0, donc la vitesse de réplication du virus, le taux d'extinction aussi correspond à la fin d'extinction de l'hôte ou à son décès. On peut inférer également, si on a des virus, mettons des animaux, on peut inférer les taux de transit de zoonose, de transition de l'animal à l'homme. On peut inférer la vitesse de propagation dans l'espace du virus. Enfin, encore une fois, moi, j'applique vraiment ces modèles sur l'évolution du vivant. Donc, dans ce cas-là, pour nous, ça va être des taux de spéciation, d'extinction, de dispersion des espèces que l'on peut inférer. Et également, si on a des caractères actuels, on peut inférer tout ce qui est évolution de ces caractères sur la phylogénie. Donc, par exemple, si on se dit qu'on peut caractériser un virus par une certaine propriété, on va pouvoir reconstruire par la modélisation les états ancestraux de ces virus et comment ils ont évolué au long du temps. Samuel Alizon, sur l'ensemble de ces informations, parce qu'on voit bien que là, tout de même, on acquiert un niveau de connaissance et un degré d'information très, très élevé à partir de ces modèles phylodynamiques qu'on a pu établir. Oui. Alors, pour faire le lien avec ce qu'a dit Hélène Morlon, il faut bien voir que beaucoup de ces modèles sont exactement les mêmes, que vous utilisiez des phylogénies d'espèces ou des phylogénies d'infection. Et dans un cas, la radiation adaptative, comme on dit, la diversification des espèces, ça va correspondre en fait à l'explosion du nombre d'infections ou à une vague épidémique. Mais les modèles sont vraiment souvent à la base assez similaires. Qui d'une certaine manière pointe aussi la limite de ces modèles, parce que sur les épidémies, vous avez des phénomènes qui sont assez bien décrits par des modèles mathématiques, notamment le fait que le nombre de personnes sensibles à l'épidémie va finir par saturer au fur et à mesure que l'épidémie se propage, donc des phénomènes de densité-dépendance qui sont peut-être moins présents pour les espèces. Mais voilà, vous avez un gros parallèle entre les deux. Après, bah oui, je pense que Hélène l'a bien décrit. Enfin, vous avez une approche très structurale qui est vraiment de voir d'étudier la structure de la phylogénie, ce qui, d'un point de vue plus appliqué, peut par exemple être utilisé pour repérer des clusters. Donc des populations où vous avez une transmission très, très forte des virus. Vous pouvez l'utiliser pour dater les événements, donc savoir justement quand un certain cluster ou quand un virus est entré dans un pays. Par exemple, ça a été utilisé au moment de l'épidémie d'Ebola pour dater assez rapidement le passage du virus en Sierra Leone. Et ensuite, des choses qui sont plus liées à des paramètres vraiment de dynamique des populations. Donc le temps de doublement de l'épidémie, c'est quelque chose qui est assez simple, entre guillemets, à obtenir à partir de séquences. On reviendra, je pense, dessus, mais il y a aussi notamment un certain nombre de biais à cette analyse dont il faut être constant. C'est pas non plus une panacée. Comme par exemple. Biais, comme sur toute analyse. Pour prendre un exemple, ça c'est valable pour les mammifères, mais aussi pour les virus. Si vous ne prenez que des séquences d'un virus, prenons le SARS-CoV-2 qui proviennent de France, vous allez estimer d'après votre modèle que le virus provient à l'origine de France. C'est un exemple assez extrême, mais si vous échantillonnez une population en particulier, vous allez avoir tendance à biaiser un peu votre analyse. Donc, comme sur toute analyse statistique, il faut faire extrêmement attention à l'échantillonnage tel qu'il est effectué, parce que ça conditionne beaucoup les résultats en aval. Et bon, on va voir justement, on va essayer d'appliquer ça à cette épidémie de SARS-CoV-2, peut-être même à d'autres modèles viraux. Dans la deuxième partie de cette émission, on va voir comment ces différents modèles, ces arbres phylogénétiques, dont on va vous mettre un certain nombre de liens, par exemple le site nextstrain.org suit en direct l'évolution des différentes souches, et vous pouvez voir comment, eh bien, tout en partant de Chine, à travers un jeu de couleurs, le virus a circulé sur la planète. On va en reparler dans un instant. As it drifted apart, there was a clear star. Longing for life, my Evolution de Sid Arthur sur France Culture à 16h35, puisque c'est ce dont il est question d'évolution, et plus particulièrement d'évolution virale, puisque nous parlons de phylodynamique et de phylogénétique en compagnie de Samuel Alizon, qui est biologiste de l'évolution, directeur CNRS affecté au laboratoire maladies infectieuses et vecteurs, écologie génétique, évolution et contrôle à Montpellier, et Hélène Morlon, qui est mathématicienne, directrice de recherche CNRS, responsable de l'équipe de recherche modélisation de la biodiversité à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure de Paris. Alors, on va donc, comme je vous le disais, tâcher d'appliquer ces mécaniques d'études phylodynamiques au SARS-CoV-2 pour voir quels enseignements on peut en tirer. Quel serait... Peut-être, on va remettre sur le fil Twitter de l'émission ce lien vers ce site nextstrain.org qui permet justement de voir en temps réel quasiment l'évolution des différentes branches et des différents isolats du virus. Quel est, selon vous, l'un et l'autre, le premier trait, le premier enseignement que l'on peut tirer des différentes études phylodynamiques qui ont été réalisées sur SARS-CoV-2, Samuel Alizon? Les toutes premières ont permis de montrer deux choses. D'une part, c'est qu'il y avait une origine commune relativement récente aux différents génomes qui avaient été obtenus. Donc là, avec tout le biais d'échantillonnages que j'ai indiqué avant, c'est-à-dire en faisant l'hypothèse qu'on n'a pas loupé un pan de l'épidémie, dès janvier, en fait, on arrivait à montrer que l'ancêtre commun à toutes ces séquences se situait vraisemblablement aux alentours d'octobre, octobre 2019. Donc ça nous a donné un enseignement qui était que, par exemple, il n'y avait pas eu une circulation de ces virus depuis des années. Donc vraiment une origine qui semblait unique à l'épidémie. Ça a été obtenu assez vite, ainsi que une datation qui s'est précisée un petit peu au fur et à mesure des données. Mais voilà, l'origine unique a vraiment été un gros résultat. Un autre, mais peut-être qu'Hélène Morlon pourra en parler plus, c'est en remontant plus loin dans le temps, parce que là, cette origine unique se base sur tous les génomes échantillonnés chez les patients Covid, pour la plupart en Asie. Il y a aussi des comparaisons qui ont été faites entre le génome du SARS-CoV-2 et les autres génomes de coronavirus qui nous a appris des choses. Alors là, en remontant plus loin dans le temps, en fait. Mmh. On est plus dans une approche phylogénétique que phylodynamique. Hélène Morlon, justement, sur ce rapprochement entre CoV-2 et CoV-1 ou MERS-CoV. Bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir beaucoup. On vous a coincé, désolé. Non, oui. Ça ressemble beaucoup, effectivement, à... D'accord. Oui, Samuel Alizon. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à celui de chauve-souris. En fait, le plus proche, un coronavirus de chauve-souris est en fait plus proche du SARS-CoV-2 que le SARS-CoV-1. Ce qui a été surprenant, c'est qu'il y a une région du génome de ce coronavirus de chauve-souris qui ressemble pour le coup peu au SARS-CoV-2. On trouve plusieurs mutations et notamment une grosse insertion génétique dans la protéine Spike. Qui est la protéine de surface, je rappelle, qui permet justement d'infecter les cellules humaines. Voilà. Et donc cette construction a été décrite plutôt pour la grippe, mais pas chez le SARS-CoV-1, pas celui de chauve-souris. Et quant aux certaines mutations, 5-6 mutations toujours dans cette région Spike, elles ont été décrites, mais chez un coronavirus isolé d'un pangolin. Donc c'est pour ça que vous avez entendu parler en fait à la fois des chauves-souris et des pangolins, mais clairement le virus qui ressemble le plus au SARS-CoV-2 actuellement, c'est un coronavirus isolé chez une chauve-souris. Donc ça c'est des inférences qu'on peut faire, mais on est plus sur quelque chose de multispécifique plutôt que sur l'aspect épidémiologique. On a alors quand on va regarder cet arbre phylogénétique sur le site que j'évoquais, dont on vient de vous mettre le lien, c'est très très impressionnant parce qu'on voit vraiment non seulement beaucoup de branches différentes, beaucoup de points et de couleurs. Donc on a l'impression que le virus a muté énormément. À quoi correspondent toutes ces branches? À quoi correspondent tous ces points de couleurs qu'on peut retrouver sur cet arbre phylogénétique qui parcourt vraiment toute la planète? Puisqu'on le voit, c'est à partir du temps et des premiers cas donc qui sont tout en bas de l'arbre en violet sur le site et qui remontent jusqu'au 22 avril. Pour le moment, puisque c'est a priori les dernières dates dont on dispose, Samuel Alizon. Alors les points, comme on l'a dit, c'est vraiment les feuilles de cet arbre. Chaque point, il faut imaginer ça comme une personne infectée. dont on a séquencé la séquence consensus, comme on l'appelle, de la population virale. Donc on va avoir un petit peu le virus moyen infectant cette personne. Ça, c'est un point, une feuille de la phylogénie. Et ensuite, quand vous remontez, une manière intuitive de voir ces embranchements dans la phylogénie, c'est un petit peu de... Ça correspond en quelque sorte à des événements de transmission. Ou quand vous avez un embranchement, vous allez obtenir une branche mère, une branche fille, enfin deux branches qui proviennent de cet embranchement. L'une d'entre elles va être la personne infectante et l'autre va être la personne infectée. Le bémol à cela, c'est que cette image que je viens de prendre n'est valable que si vous avez un échantillonnage complet, c'est-à-dire si vous avez tous les patients de l'épidémie. À partir du moment où vous avez un échantillonnage partiel, ce qui est évidemment le cas, on n'a pas séquencé les génomes de toutes les infections, vous allez manquer des événements de transmission et donc du coup vous allez avoir des branches plus longues en fait. Il va manquer certains embranchements qui sont associés aux transmissions. Mais de manière conceptuelle, on peut voir un petit peu les points, les feuilles comme des infections, des moments où les personnes sont échantillonnées, comme on dit, et les embranchements comme des événements de transmission d'une personne à une autre. Et donc avec à chaque événement de transmission une légère mutation, un léger changement du virus? En fait, le virus évolue en continu, donc c'est vraiment le virus, le SARS-CoV-2, ça a été estimé que son taux de substitution à peu près est de l'ordre de 10 puissance moins 3, donc ça vous amène, vu que, 10 puissance moins 3, il faut que je précise les unités, sinon ça va pas être très parlant, 10 puissance moins 3 substitution par position génomique par an. Le virus fait à peu près 29 000 à 30 000 positions. Nucléotides. Nucléotidiques. Mmh. Donc ça vous fait 29 mutations par génome et non plus par position génomique par an. Donc vous arrivez dans l'ordre de deux et quelques mutations par mois. Mmh. Qui vont se fixer. 0,08 substitution annuelle. Pourcent, pardon. Excusez-moi. 0,08% d'évolution annuelle. Ça revient à peu près au même à ce que vous venez de dire. D'accord. Mmh. Oui, enfin, si vous le ramenez au génome... Au génome complet. Oui, bien sûr. Voilà. Mmh. Oui. Et donc voilà, ces mutations, et ça c'est le taux de substitution. Donc les mutations vont apparaître beaucoup plus rapidement, mais un certain nombre vont disparaître. Et du coup, si vous vous déplacez le long de la phylogénie, ces mutations... Alors, une des hypothèses des modèles qui est simplificatrice, mais que cette évolution qui est neutre se produit en continu. Et donc, plus vous vous déplacez dans le temps, et plus ces mutations s'accumulent dans les génomes. C'est cette hypothèse d'horloge moléculaire, qui est que vous allez diverger. Et donc, la mutation ne se produit pas nécessairement au moment où il y a transmission. C'est juste que si vous vous placez juste au moment d'une transmission, vous allez avoir cet embranchement dans la phylogénie. Et à cet instant-là, les deux virus sont encore identiques. Mais ensuite, ils vont chacun diverger parce que ces mutations s'accumulent de manière aléatoire. Donc, qu'ils soient dans une infection ou une autre, ils vont pas nécessairement fixer les mêmes mutations. On peut préciser tout de même, parce que c'est vrai que sur les mutations, il y a beaucoup de fantasmes. Et puis, il y a d'ailleurs des papiers un peu grossiers qui sont sortis à ce propos en disant qu'il y avait une souche qui était plus virulente que l'autre, etc. À l'heure actuelle, ce virus, on peut non seulement dire qu'il mute peu, c'est-à-dire qu'il est relativement stable, et par ailleurs que les mutations, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, n'ont absolument rien changé, ni à sa virulence, ni à sa contagiosité. Oui, pour le moment, il n'y a pas de démonstration comme il y a pu en avoir, par exemple, sur Ebola. Sur Ebola, ça a été un très beau travail parce que, comme le virus accumule des mutations tout le temps, si vous remontez à une branche, vous allez trouver des mutations qui sont partagées sur tous les descendants à partir d'un nœud suffisamment haut. En fait, si vous remontez à l'ancêtre de la phylogénie, il va partager un certain nombre de traits avec le reste. Toute la difficulté, c'est de montrer que ces mutations qui sont partagées ne sont pas juste neutres, mais qu'elles ont un effet sur la propagation du virus. En fait, on dit qu'elles sont adaptatives. Là encore, on peut faire exactement le parallèle avec les modèles sur les phylogénies d'espèces, où quand on va trouver des mutations, par exemple des mutations qui différencient l'homme du chimpanzé, mettons, est-ce que ces mutations sont neutres ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des effets sur la valeur sélective? Ça, c'est un défi. Et pour le moment, on n'a pas vraiment de preuves. Il n'y a pas d'article qui a été validé par les pairs qui montre que de telles mutations existent. Et de toute façon, le moyen de vraiment le démontrer, finalement, ce qui a été fait pour Ebola, c'est en culture cellulaire. Pour Ebola, ils ont fait ça de manière très élégante avec des virus possédant la mutation dont on pensait qu'elle était peut-être adaptative. Et donc ils ont pris des virus avec et sans mutation qu'ils ont construits. Ils les ont mis dans des cultures cellulaires, soit des cultures cellulaires de chauves-souris, soit des cultures cellulaires humaines. Et ils ont montré en fait que non seulement la mutation conférait une meilleure capacité au virus à exploiter les cellules humaines, mais qu'en plus, cette meilleure adaptation aux cellules humaines se payait par une moins bonne adaptation pour infecter les cellules de chauves-souris. Donc là, pour le cas d'Ebola, vraiment, ça a été démontré de manière très robuste. Mais à ce jour, sur le SARS-CoV-2, il n'y a pas encore de démonstration. Hélène Morlon, un mot justement sur ce fantasme de l'adaptation ou de la mutation qui d'un seul coup rendrait le virus, je ne sais pas, soit plus virulent, soit plus dangereux, soit plus contagieux, soit au contraire plus affaibli. Je ne travaille pas du tout. Pardon. Donc, bon. Moi, ce que je peux vous dire, oui, c'est que les taux de substitution chez les humains, par exemple, sont beaucoup plus faibles. Donc, on a parlé de 10-3 pour le cas du Covid. Donc, chez les humains, pour donner une comparaison, hein, c'est 10-8. Et c'est pour ça, en fait, qu'on arrive à remonter, une des raisons pour lesquelles on arrive à remonter beaucoup plus loin dans le temps quand on fait de la biologie évolutive ou quand on reconstruit les phylogénies. On a aussi également des séquences beaucoup plus longues, donc c'est la deuxième raison pour laquelle on peut reconstruire des événements beaucoup plus anciens. Après, pour ce qui est des spéculations sur la possibilité ou non du Covid de faire une mutation adaptative, je n'en ai aucune idée. Voilà, on va pas continuer sur cette branche-là. On va l'interrompre, hein, comme sur un arbre phylogénétique. On peut peut-être avancer un peu, ou en tout cas, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, Samuel Alizon, votre travail justement en France, c'est-à-dire les travaux que vous avez pu faire en phylogénémique, vous les fondez sur combien de génomes, qu'est-ce que l'étude de ces génomes en France peut nous apprendre sur l'entrée, l'introduction et finalement la dispersion du virus sur notre territoire? Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une révolution un petit peu dans l'analyse phylodynamique qui a commencé avec l'épidémie d'Ebola et qui là s'est concrétisée avec le SARS-CoV-2. Ça a été le partage des données de séquence qui est un petit peu lié aussi avec la difficulté à les obtenir. C'est-à-dire que dans les années 90, vous faisiez un article avec une séquence quasiment. Aujourd'hui, les premières séquences ont été publiées par les Chinois la première quinzaine de janvier, je crois. Donc aujourd'hui, on est vraiment capable de mettre en place du séquençage. Ça nécessite quand même un gros effort, mais c'est voilà, on est sur une accessibilité aux séquences génétiques qui n'est pas comparable avec ce qu'elle était auparavant. Et donc, en fait, il y a eu tout un partage des séquences qui s'est fait très tôt via une initiative qui s'appelle GISAID, Global Initiative, qui à l'origine travaillait plutôt sur la grippe. Donc les laboratoires internationaux ont joué le jeu, et en particulier en France, il y a eu à ce jour il y a à peu près 300 données de séquences qui sont disponibles. Donc nous on s'est basé sur ces séquences partagées pour faire nos analyses. Donc après c'est sûr qu'il y a énormément de limites, hein, c'est-à-dire que nous quand on a fait la première analyse il y avait 60 génomes de France et sur l'analyse la plus poussée qu'on ait pu faire il y en avait 200. Ça ne donne qu'une vision partielle de l'épidémie. En plus, les séquences se sont arrêtées à peu près au 24 mars. Donc, on a une vision tronquée. Après, ça permet, donc, tout en étant conscient de ces biais, d'avoir une idée sur le début, dater l'ancêtre commun, finalement, de toutes ces séquences. Donc, ça, on le place aux alentours de fin janvier. Qui est intéressant parce que il y a une incertitude entre la mi-janvier et début février, mais c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a eu des cas documentés. Le premier cas, je crois, c'est le 21 janvier de mémoire. Il y a même des cas documentés le fin décembre, hein, puisqu'il y a les travaux de l'équipe d'Yves Cohen qui montrent qu'il y a des tests PCR+ et un patient qui a été admis à l'hôpital de Bondy et qui présente manifestement un Covid au fin décembre, le 27 décembre de mémoire. Oui. Après, malheureusement, il n'y a pas de séquence associée. Alors, c'est vrai que c'est difficile de conclure. Mais la première séquence, les premiers cas, c'est les premiers cas en Europe aussi importés sont du 21 janvier, je crois. Donc, c'est là où c'est intéressant de pouvoir en fait dater le début de la vague parce que ça permet en fait de distinguer ce qui sont des événements d'importation qui n'ont pas conduit à des chaînes de transmission qui ont perduré de la vague épidémique en elle-même. Cela étant que c'est, il y a plusieurs limites à ça. C'est une des limites d'ailleurs avec le site Nextstrain, avec lequel il faut quand même faire attention parce que il y a une représentation visuelle qui est très belle. En fait, ils ont représenté par différentes couleurs les différents pays, mais l'inférence, comme on dit, de l'état ancestral, c'est-à-dire où était le virus dans le passé, donc la couleur des branches, est extrêmement sensible à l'échantillonnage. Et comme la France est surtout au début était un des pays qui a peu séquencé par rapport aux Anglais, par rapport à l'Espagne. L'Espagne a mis beaucoup d'argent, l'Islande aussi. Plus vous avez de séquences d'un pays, plus vous allez mettre de poids sur l'origine géographique dans ce pays. Mmh. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà, c'est un peu les avantages et les limites des représentations facilement accessibles. Il faut faire attention à ces questions des origines. Sur les origines, il y a aussi différents travaux. Hein. Il y a les travaux d'Andrew Rambaud, notamment à Édimbourg, qui laissent entendre, alors c'est une fourchette relativement large, hein, mais que l'émergence virale, c'est-à-dire vraiment le passage chez l'homme, serait compris entre le 27 août et le 19 décembre, alors que on sait que les premiers cas recensés en Chine sont à la fin du mois de décembre, avec une probabilité d'apparition maximale aux alentours du 17 novembre. C'est des dates qui vous paraissent cohérentes, Samuel Lison? Bah ça, c'est les données qu'Andrew Rambaud a obtenues assez rapidement. En fait, le souci étant que, de mémoire, la première séquence disponible date de fin décembre, justement. Alors qu'on sait, aujourd'hui, on a pu remonter les chaînes de transmission à début décembre, voire même, je me demande s'il n'y a pas eu un cas documenté fin novembre. Et donc là, on est toujours dépendant. Plus vous arrivez à avoir d'échantillons tôt dans la phylogénie, plus vous avez de puissance. Bien sûr. Ce qui est intéressant après, c'est vraiment les aspects dynamiques de la phylodynamique, notamment le fameux taux de reproduction, le nombre de reproductions de base, le nombre de personnes qui infectent une personne infectée. Ça, c'est des choses qu'on peut aujourd'hui, avec les modèles statistiques, estimer à partir des reconstructions phylodynamiques. Et donc nous, par exemple, on est encore une fois très limité sur les séquences, hein, parce qu'on n'a pas accès à grand-chose, mais on arrive à détecter justement qu'après le 7 mars, on voit un ralentissement en termes de nombre de reproductions dans l'épidémie en France. Et le tout dernier point qui pour le coup est vraiment vraiment intéressant, c'est d'estimer la durée de contagiosité, pendant combien de temps une personne risque de transmettre le virus. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à voir sur le terrain. Il faut faire des suivis de contact, il faut vraiment retracer les chaînes de transmission. Avec la phylodynamique, on peut avoir une fenêtre sur ces durées. Et alors, quelle serait-elle, la durée de contagiosité, selon vos travaux? Alors, pour être encore plus précis, c'est le temps de génération, donc c'est le temps moyen entre deux infections. On tombe sur une médiane aux alentours de 5 jours, ce qui est biologiquement raisonnable. Il y a des variations, en fait, sur ce temps moyen entre deux infections, sachant qu'aujourd'hui, en France, on n'a toujours aucune donnée là-dessus. En fait, il n'y a pas accès aux chaînes de transmission pour pouvoir estimer ce temps entre le moment où une personne est porteuse, enfin, une personne est infectée et le moment où elle infecte une autre. Donc c'est un des intérêts de la phylodynamique, en fait. C'est vraiment de pouvoir donner accès à des paramètres épidémiologiques qui sont compliqués à mesurer sur le terrain. C'est intéressant parce que 5 jours, c'est aussi le temps moyen d'incubation. Alors le temps, voilà, pour les symptômes, ça c'est le gros problème en fait avec l'infection, qui est que les symptômes apparaissent relativement tard par rapport au début de contagiosité. Et en fait, c'est un résultat classique en épidémiologie, qui est que plus les symptômes sont proches du moment où vous êtes contagieux, plus vous pouvez facilement contrôler l'épidémie. Pour caricaturer, si les symptômes apparaissent avant d'être contagieux, c'est relativement facile. Oui. Là, on est dans le scénario complètement inverse, où la contagiosité commence, on estime, à peu près 2 jours avant les symptômes. Ce qui rend, si vous vous rendez compte que si vous n'avez aucun symptôme, vous allez évidemment beaucoup plus risquer de transmettre. Est-ce qu'il est vrai, Samuel Alison, qu'en France, les travaux de phylodynamique laissent entendre qu'il y a eu vraisemblablement plusieurs introductions et pas une introduction unique? Alors c'est compliqué. Il y a deux hypothèses un peu concurrentes, c'est-à-dire qu'on voit une arborescence très précoce dans le principal clade qui correspond à la vague épidémique. Donc une des hypothèses, ça pourrait être qu'il y a eu plusieurs introductions. Une autre, ça pourrait aussi être un événement de super spreader, comme on l'appelle, c'est-à-dire, c'est pas vraiment de terme en français, mais de super propagation, où plusieurs individus qui ensuite auraient essaimé dans la France auraient été infectés en même moment. Ce qui est certain, c'est que on a une diversité quand même limitée pour l'ensemble de la vague épidémique. Donc, ça pourrait être plusieurs introductions en France, mais même si c'est le cas, ces introductions multiples auraient quand même une origine assez proche. Mmh. Donc, c'est toute l'ambiguïté Voilà. Pour conclure sur le COV2 et puis plus généralement, est-ce que ces travaux de phylodynamique, donc on voit bien qu'ils nous permettent de remonter dans le temps, qu'ils nous permettent d'avoir aussi de remonter dans l'espace ou en tout cas d'avoir une connaissance de l'évolution géographique, est-ce qu'ils permettent d'inférer des choses dans le futur, Samuel Alizon? À ma connaissance, non. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la modélisation. Vous avez de la modélisation qui est plus descriptive et de la modélisation plus prédictive. La phylodynamique va plus être dans l'ordre du descriptif. C'est-à-dire qu'elle va permettre après d'alimenter des modèles prédictifs, mais en tant que telle, voilà, elle va pas, il va falloir la coupler à d'autres modèles. Quoi. Ça va pas être les modèles phylodynamiques ou phylogénétiques qui vont permettre. De prédire des phénomènes futurs, mais peut-être que Hélène aura une idée différente. Hélène Morlon sur ce sujet. Oui, bah c'est sûr que ça des modèles qui permettent quand même d'estimer certains paramètres qui sont très importants, comme on a parlé hein, du R0, et on peut imaginer qu'on peut avoir des modèles où on peut estimer non pas un R0 moyen, mais par exemple la variabilité de ce R0, ce qui peut être très important aussi pour la propagation de l'épidémie, et avoir ce type d'estimation, même si bien sûr il faut le prendre avec des pincettes, ils dépendent des données, ils dépendent des modèles utilisés, ils dépendent de pas mal de choses, ils ont de l'incertitude, mais malgré tout, si on a besoin de faire du prédictif, un peu comme ce qui s'est passé là pendant la crise, ça peut quand même nous donner une base de départ pour avoir certains paramètres estimés avec une certaine précision, mais qui permettent quand même d'ajuster certains modèles, comme le disait Pierre-Emmanuel, ça permet de mettre ces paramètres dans d'autres modèles qui, eux, sont faits explicitement pour être prédictifs. Je pensais notamment en termes de prédiction. C'est pas un joli mot en termes d'épidémiologie, mais de projection sur l'évolution pandémique et notamment peut-être sur la façon dont certains bras de l'évolution peuvent s'interrompre. Est-ce que ça, là-dessus, ça permet éventuellement de voir peut-être ou en tout cas d'imaginer des modèles à moyen terme, pour pas dire à long terme? Alors ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire sur la grippe, par exemple, c'est d'essayer de voir quelles sont les branches ou quelles sont les clades de la phylogénie qui sont en expansion, donc détecter cette expansion le plus rapidement possible en se disant que voilà, ces bras-là seront les plus représentatifs dans le futur. Donc on pourrait envisager ça sur le Covid, voir quels sont les groupes ou les clades qui sont en expansion plus rapide. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Merci Hélène Morlon, merci Samuel Alizon d'être venu nous parler de la phylodynamique et de l'application de ces travaux à la compréhension du SARS-CoV-2. Merci du SARS-CoV-2 dites donc. Merci à toute l'indispensable équipe de la méthode scientifique de Dominique de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Evétienne Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Un aperçu de ce que nous avons concocté dans le laboratoire confiné de la méthode scientifique pour cette semaine. Demain, eh bien, on va vous parler d'une mystérieuse particule détectée en Antarctique qui relance l'hypothèse d'un univers parallèle qui remonterait le temps depuis le Big Bang. Mercredi, on se demandera comment l'intelligence artificielle aide à découvrir de nouveaux médicaments. Jeudi, on évoquera le traitement de l'épidémie dans les médias. Et vendredi, nous retournerons nous perdre dans la mystérieuse zone 51 à la recherche d'un complot extraterrestre. On se retrouve demain matin à 8h55 pour la prochaine radiographie du coronavirus et demain à 16h pour la méthode scientifique jusqu'à preuve du contraire.